Chant numéro 12. Je marchais de concert avec l'âme accablée, comme avance de bœuf tirant le même joug, pendant que m'attendait mon gentil pédagogue. Mais lorsqu'il dit « Pressons, laissons leur compagnie, par ici chacun doit pousser sa propre barque, en s'aidant s'il le peut des voiles et des rames », je me suis redressé, comme on fait quand on marche regardant devant soi, bien que par la pensée je demeurais toujours confus et accablé. J'avais repris la marche et suivais volontiers les traces de mon maître. Et déjà tous les deux nous éprouvions combien la route était facile, lorsqu'il me dit « Dirige ton regard vers le bas. Il est bon, si tu veux assurer ton voyage, d'examiner le lit où se posent tes pas. » Comme pour conserver à jamais leur mémoire, les tombeaux, élevés sur la terre aux défunts, de ceux qu'ils ont été représente l'image, ce qui fait qu'à leur vue on sent monter les larmes, tant du ressouvenir nous pique les guillons qui pressent seulement le cœur des gens sensibles. Je vis là des portraits, infiniment plus beaux, conformes au canon de l'art, et qui tenaient tout le bord du chemin du côté du ravin. J'y voyais d'un côté celui qui fut créé plus noble que tout être ayant jamais été, précipité du ciel plus vite que la foudre. D'autre part, j'y voyais le géant Briaré, qui gisait transpercé par le céleste trait, plaqué contre le sol par le froid de la mort. J'y vis Mars et Pallas, et le géant timbré, armé, serrant les rangs alentour de leur père, contemplant les débris des titans abattus. J'y vis Nemrod au pied de l'énorme édifice, d'un regard égaré, considérant les peuples qui furent orgueilleux avec lui dans ses nares. Toi-même, Niobé, que tes yeux étaient tristes, tels que je les ai vus figurer sur ma route, entre tes 2x7 enfants exterminés. Ô Saoul, que ta mort me semblait éloquente, venant de ton épée, là-bas, à Gelboé, qu'ignore depuis lors la pluie et la rosée. Et toi, folle Arachnée, je t'y voyais aussi, tout éploré, déjà changé en araignée, au-dessus des lambeaux tissés par ton malheur. Ô Roboam, ici tu n'es plus menaçant, emporté par ton char et rempli d'épouvante, quoiqu'on ne songe plus à te donner la chasse. On pouvait voir aussi sur le rude pavé Alcméon, que jadis exigea de sa mère un prix trop élevé pour son fatal bijou. Et de Sennachérib, on pouvait voir les fils se jetant sur leur père enfermé dans le temple, et puis abandonnant en ce lieu son cadavre. On voyait le désastre et le cruel massacre qu'infligea Tomyris à Cyrus, lui disant « N'as-tu pas soif de sang? Je vais donc t'en gaver. » On y voyait aussi fuir les Assyriens après avoir appris qu'Holoferne était mort, et l'on y distinguait les restes de son corps. On y voyait Troie, enfin, en ruine et en cendres. Ô superbe Ilion, que ton image, telle qu'on peut la voir là-bas, me semble ignoble et vile. Quel maître de la plume ou sinon du pinceau pourrait représenter ces ombres, ces images dont les plus entendus resteraient étonnés? Les morts y semblaient morts et les vivants vivants. J'ai mieux vu que celui qui voit réellement tout ce que je foulais, marchant la tête basse. Bouffissez-vous toujours d'orgueil, rejetant d'Ève, cherchez toujours en haut sans regarder aux pieds, si vous vous engagez dans un mauvais sentier. Mais nous étions montés plus haut, tout en marchant, et le soleil déjà consommait sa carrière, plus que l'esprit distrait ne l'avait estimé, quand celui qui marchait en regardant toujours vers l'avant m'avertit. Il faut lever la tête, c'est fini maintenant d'aller en rêvassant. Vois comme de là-haut un ange se prépare à descendre vers nous, et la 6e esclave du jour vient de finir le temps de son service. Que ton geste et tes traits traduisent ton respect, pour qu'il nous soit permis de monter jusqu'en haut. pense que ce jour-ci ne reviendra jamais. J'avais plus d'une fois écouté ces semences sur la perte du temps. Ce thème familier n'était donc plus pour moi difficile à comprendre. Droit sur nous s'avançait la belle créature, toute de blanc vêtue, et portant au visage l'éclatante splendeur de l'astre du matin. Elle ouvrit ses deux bras et déploya ses ailes en nous disant « Venez, les gradins sont tout prêts. Le monter désormais vous sera plus facile. » Bien peu pourront un jour répondre à cet appel. Homme, fait pour monter jusqu'en haut en volant, pourquoi le moindre vent vous fait-il donc tomber? Puis il nous conduisit où le rocher se fend, et caressa mon front d'un battement de l'aile, m'assurant que j'allais voyager sans encombre. Comme sur la main droite, allant vers la montagne, plus loin que Rubaconte, où se trouve l'église dominant la cité sagement gouvernée, le flanc qui tombe à pic devient plus accessible, grâce aux gradins qu'on fit du temps où les faussaires et les gens sans aveu n'y faisaient point leur nid, telle se radoucit en ce point la montée, qui dresse ailleurs un mur jusqu'à l'autre replein, mais deux hautes parois la pressent sur les flancs. Juste au moment d'entrer, l'on entendit des voix qui chantaient « Beati pauperes spiritu » avec plus de douceur qu'on ne saurait le dire. Ah, combien cet endroit me semblait différent de l'enfer, car on entre ici parmi les champs, et là-bas, au milieu de sauvages clameurs. Et déjà nous montions sur ces gradins sacrés, dont l'accès me semblait maintenant plus facile que la marche d'avant dans la plate campagne. Ô maître, dis-je alors, explique-moi, quel poids vient-on de m'enlever qui fait que je ne sens nulle fatigue en moi malgré cette montée? Et sa réponse fut, lorsque l'épée, qui reste encore sur ton front, effacée à moitié, auront tous disparu, ainsi que le premier, tes pieds sauront si bien servir ton bon vouloir, qu'outre qu'ils ne sauront ce que c'est que fatigue, ils auront du plaisir à marcher vers le haut. Je me sentis alors comme certains passants, qui portent sur leur dos quelque objet qu'ils ignorent, et s'en apercevant par les signes des autres, ils cèdent de leurs mains pour savoir ce que c'est, et cherchent à tâtons, leurs doigts faisant l'office que leurs yeux n'avaient pas le moyen d'assurer. Tâtant avec les doigts de la droite écartée, je ne découvris plus que 6 de ces 7 signes que traça sur mon front l'ange porteur de clés. Et mon guide ne put s'empêcher d'en sourire.